Ma chère mamie, je passe de bonnes vacances. Il fait très beau et la nouvelle fiancée de papa me plaît beaucoup. Elle est très jolie et pas tellement plus vieille que moi. Depuis qu'elle est à la maison, papa n'a plus un seul cheveu blanc. Oh, attention les enfants, danger. Il suffit d'un courant d'air, de sein sous un pull vert, et tout peut arriver. Attention les enfants, méfiance. Oh, j'ai promis des mensonges immenses. D'exemplaires, mais au pays des faussaires, j'ai des années d'avance. Des messages, même si c'est un ouragan, cyclone autour d'un divan, c'est quand même un naufrage. Attention les enfants, courage. Ma chère mamie, je ne t'enverrai pas cette lettre, je viendrai te la porter moi-même. La jolie fiancée de papa est partie ce matin avec toutes ses valises. Il a décidé que les vacances étaient finies. Nous rentrerons tous ce soir. J'ai l'impression qu'il est content. Il recommence à ne plus se raser. Oh, attention les enfants, danger. Oh, il y a des papas.